Ma vie est toujours en suspens. Scrammer les beats, je vais te surprendre sur un son de branche. Le rap est mort, c'est ce que beaucoup de bâtards affirment. Ils ne savent pas ce qu'ils disent sous l'effet de la paraffine. Et crois pas que je me tourne les pouces, réussir, j'ai tout fait pour. Ouais, je suis pas de ceux qui gravitent autour des poufs. Je compte tout niquer, tanner, dis-leur de me croire. Mais j'ai pas de monde, j'ai peur de rater mon heure de gloire. Moi j'ai la niaque, car depuis petit je voulais tout. Jusqu'à me rouler boule à Z qui te fout les boules. Mais le soir fond que je t'emmène dans mon tourbillon. Tu te prends des baffes comme si tu se moquais du spilon. C'est ça la fight, ma frère, y'a que ça qui m'excite. J'aimerais tailler avec ma femme sur une plage au Mexique. De toute façon, tant pour moi, si les gens me comprennent. Je tiens à dire que le pleura pour moi c'est de la compète. C'est une affaire de famille, une grosse combinaison. Deux frères sur le même son, il est en combinaison. Autant pour moi, je suis là, j'assure tes arrières. Moi c'est pareil, moi je t'éviterais de prendre des barrières. C'est une affaire de famille, une grosse combinaison. Deux frères sur le même son, il est en combinaison. Autant pour moi, je suis là, j'assure tes arrières. Moi c'est pareil, moi je t'éviterais de prendre des barrières. En tout à mes consciences, la moindre estime me laisse dans l'ombre. De l'abandon à la modestie, j'ai les mots légis dès le temps long. Passe plus vite que les vis d'un partenaire. Le tas de factures dans les boîtes aux lettres. Les vis des flics à battre pour ton offre qui va donner. Ma mère me l'a dit, profite de la vie, mais garde la conscience tranquille. Les pilotes, j'ai beau pilonner. Mais les résultats me rentrent, ils m'en foutent du string de Madonna. Je veux soutirer la maille de la main des hypocrites, si possible, pas taper au McDonald's. J'affronte le diable exorciste, j'faut de gars s'exorti. Du ghetto dans, puis j'trouve plus d'idées utopiques. J'voudrais assombrir la vue des lâches. Et chacun avance à son rythme. Dans les pièges jaloux, mes rats sont pris. Dans la bouche, j'ai le coup de l'âme. J'ai trop sorti mon coup de là. Mes fidèles, tu sais, comme les AK au Mac, le flot bois, tu sais. Yeah. Comprends-moi, c'est ghetto Christo à la mort. Autant pour moi, quitte à finir à la mort. Une affaire de famille, une grosse combinaison. Deux frères sur le même son, il est en combinaison. Autant pour moi, je suis là, j'assure tes arrières. Moi c'est pareil, moi je t'éviterais de prendre des barrières. C'est une affaire de famille, une grosse combinaison. Deux frères sur le même son, il est en combinaison. Autant pour moi, je suis là, j'assure.